Associer des éléments ensemble, ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie pour la croissance de la complexité. C'est le ferment des événements, la rencontre créatrice, rencontre qui est amenée, provoquée par une force, qui amène deux systèmes à se rencontrer. Et ces deux systèmes, des cellules vivantes ou des êtres humains, sont appelés l'un vers l'autre par cette force qui les attire. Et cette rencontre crée un événement qui est la rencontre créatrice. Elle va être la source d'autres événements semblables, et ainsi de suite. Nous essayons d'encastrer les dimensions les unes dans les autres. Là, vous pouvez comprendre une autre chose. Plus on reste longtemps dans un lieu, plus la population va être grande. Plus le passage est lent, plus il y a de populations qui s'y trouvent rassemblées. Là, on s'arrête pendant longtemps. Toutes les étoiles s'arrêtent ici. Donc, ils marquent un point d'arrêt qui est justement le temps qu'il faut. C'est quelque chose comme une réflexion, c'est quelque chose comme un écho. Ça nous donne un petit peu une idée, une interaction entre les différentes dimensions. Mais tout cela, d'une certaine façon, est impliqué dans ta présence ici. Si on se posait la question, on aurait pu se poser la question à quoi on peut demander, à quoi aurait pu servir dans ce contexte. Et si on posait cette question avec cette même naïveté, montre qu'il y a quelque chose qui nous échappe, quelque chose qu'on ne comprend pas, il y a quelque chose qui nous échappe, c'est un problème. Là, on a quelques hypothèses, mais on reste quand même insatisfait. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et donc, on essaie de comprendre. Il y a quelque chose à améliorer, il y a quelque chose à retravailler, il faut creuser. Et donc, souvent, ça indique un peu sur quelle piste on doit travailler. Mais il reste quand même la possibilité, bien sûr, de se tromper. Je ne voudrais pas non plus vous donner l'idée que ça ne marche jamais bien. Il y a des fois où ça marche très bien, si on peut considérer que c'est un avantage. Moi, ce sont des rencontres tout à fait au hasard, mais des rencontres qui sont des rencontres créatrices, modelées, qui sont gouvernées par une force. Et on se disait, bien sûr, il faut attendre, parce que avant que tout qu'on puisse voir à l'intérieur, il faut que ça se nettoie un peu. Donc, il y a dans l'air la possibilité, c'est pas certain, que c'est un petit peu quand il n'y a rien d'autre de possible. Ou bien c'est cela, ou bien c'est quelque chose qui est totalement inconnu. On ne peut pas vraiment décider parce qu'on ne peut pas décider. C'est peut-être quelque chose de totalement inconnu, mais pour l'instant, c'est le meilleur scénario. Le scénario le plus vraisemblable, c'est celui que je vous ai dit. Une hypothèse, un modèle. D'habitude.